Alors, à toi Valérie, alors tu as choisi de nous apporter une étude selon laquelle nous sommes capables de reconnaître l'âge d'une personne à son odeur. Oui, puis là, donc, on va vraiment sauter du coq à l'âne complètement, mais j'avais envie de montrer que finalement, tout en restant sérieuse, la science peut parfois produire des résultats assez curieux et insolites. C'est donc une étude qui vient de paraître dans la revue Plus One, donc une revue tout à fait sérieuse avec des articles révisés par les pairs, et une étude qui a été réalisée par des chercheurs suédois et américains. Alors, en fait, le point de départ, c'est que bon, pour nous autres humains, l'odorat, c'est peut-être pas forcément le sens qui nous informe le plus sur notre environnement. On fait davantage confiance à ce qu'on voit qu'à ce qu'on sent. Mais chez les animaux, l'odeur, c'est quand même apporte quand même des indices importants pour décoder bon, toutes sortes d'informations sur la présence de proies ou de prédateurs, des congénères qui sont passés par là. Est-ce que c'est un mâle, est-ce que c'est une femelle? Si c'est une femelle, est-ce qu'elle est en chaleur? Est-ce que c'est un animal malade? Est-ce que c'est un animal de même âge, un congénère du même âge? Et puis, bon, en tout cas, ils peuvent quand même identifier pas mal d'informations. Et bah, finalement, comme on n'est pas si loin que ça des animaux, bah, l'hypothèse, c'est qu'il doit bien rester un peu de ses aptitudes en nous. Et c'est ce que les chercheurs américains et suédois ont voulu vérifier. Et en particulier, ils ont voulu vérifier l'hypothèse que les humains sont capables, à l'odeur, de savoir si on a affaire à une personne jeune ou âgée. Et comment est-ce qu'ils ont procédé pour faire cette vérification-là? Alors, ils ont sélectionné des donneurs d'odeur et des senteurs. Donc, c'est moi qui donne ces termes-là, parce que c'était écrit en anglais. Donc, les donneurs d'odeur, en fait, étaient des hommes et des femmes qui étaient répartis dans trois groupes d'âge, de 20 à 30 ans, de 45 à 55 ans, et une population plus âgée de 75 à 90 ans. Et pendant 5 nuits de suite, ils ont dormi avec un coton sous les selles, sous les aisselles. Donc forcément, ça s'est imprégné d'odeur. D'odeur, on imagine bien. J'imagine qu'ils ne devaient pas utiliser d'antis sudorifiques. Non, c'est ça. Mais comme chaque jour, ils se lavaient, mais tout le monde avec le même savon, tout le monde dans les mêmes conditions. Ils étaient non fumeurs et ils mangeaient les mêmes choses pour pas qu'il y ait d'influence du régime alimentaire. Ouais, et bon, au bout de 5 jours, bon, les cotons ont été enfermés dans des bouteilles. Et donc là, on a fait appel aux senteurs, donc des hommes et des femmes. Donc, il y avait aussi tous à peu près du même âge, là, je ne me souviens plus vraiment. Donc, une population relativement homogène quand même. Et qui devait sentir les odeurs à l'aveugle. Donc, c'est-à-dire, ils ne savaient pas de qui venaient les cotons. Et ils devaient d'une part dire quelles étaient les odeurs les plus fortes et qu'elles étaient les moins plaisantes. Parce que bon, c'est différent, quelque chose peut sentir très fort sans que ce soit mauvais. Donc, il fallait distinguer les odeurs fortes, quelles sont les moins plaisantes, et il fallait aussi distinguer l'âge, deviner à quelle tranche d'âge l'odeur appartenait le propriétaire de l'odeur, finalement. Alors, on va commencer par les odeurs les moins plaisantes. Quelles sont-elles? Alors, en fait, au départ, l'un des odeurs voulait évaluer un préjugé selon lequel, moi, je ne connaissais pas ce préjugé, j'ignorais complètement ça, mais donc, il y aurait un préjugé selon lequel les personnes âgées ne sentent pas très bon, ou du moins sentent bizarrement. Eh bien, les participants à l'étude qui devaient donc évaluer les odeurs ont trouvé que les odeurs les plus fortes et les moins agréables sont celles des hommes de 45 à 55 ans. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est une étude sérieuse publiée donc dans le journal Plus One. Vérifiée par des pairs. C'est ça, exactement. Et les odeurs des personnes âgées étaient les plus faibles et après tout, bah, les moins désagréables. Et pour ce qui est des capacités à devenir l'âge de la personne à partir d'odeur, ça relève pas mal du préjugé, ça, quand même. Là. Je sais pas ce qu'il y a. Il n'y a pas nécessairement une association naturelle que l'on peut faire. Ben, en fait, on n'en est peut-être pas conscient, mais il y en a peut-être une que notre cerveau fait intuitivement, là, instinctivement, je ne sais pas. Donc, il y avait les flacons, c'était complètement un test à l'aveugle, et les gens devaient dire, est-ce que ça appartient aux 20-30 ans, aux 35-45 ans? Ben là, je sais pas. L'intuition. Mais n'empêche que c'est ça, l'intuition, à l'instinct, et n'empêche que les résultats étaient là. Les résultats, les senteurs ne savaient pas discriminer les odeurs d'une personne âgée de 20 à 30 ans de celles d'une personne de 45 à 55 ans. Donc, faut croire qu'entre 20 et 55 ans, on sent à peu près tous pareil. Mais par contre, ceux qui sentaient là, savaient reconnaître si l'odeur appartenait à une personne de 75 à 90 ans ou si elle appartenait donc aux deux tranches d'âge plus jeunes. Donc, il y a quelque chose dans, instinctivement qui leur disait, ça, c'est des 75 ans, ça, c'est bon, 40-50 ans. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ouais. Est-ce que, c'est sûr que c'est une question qui reste encore ouverte, ouais, savoir si, qu'est-ce que c'est qui nous permet d'identifier ça. Et si, aussi, la question, c'est est-ce qu'on utilise encore cette capacité-là de façon instinctive ou inconsciente, finalement, puisque c'est une capacité qui subsiste en nous, est-ce qu'on l'utilise de façon instinctive ou inconsciente, cette capacité à dire ça, c'est le nom des personnages ou des personnages plus jeunes. Voilà. C'est certain qu'on l'utilise, ça, c'est certain. Probablement, parce qu'on est capable de détecter d'autres choses par les odeurs, pour la reproduction notamment. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Valérie. On va maintenant faire partir en pause publicitaire et on vous revient tout de suite après.